Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Monsieur Luc Allard et toute l'équipe des excavations Propel d'Albanel vous souhaitent un joyeux Noël et une excellente année à toute la population et désire remercier sa clientèle pour leur fidélité. Et n'oubliez pas, pour votre déneigement résidentiel ou commercial, les excavations Propel d'Albanel, ce sont eux qu'il faut appeler au 418-279-3118. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année. Et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets, ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. C'est la rétrospective de l'année dans la Ligue nationale de football avec notre ami Tony Guzzo du site internet tabletsnfl.com. Salut Tony! Salut Danny. Tony, l'année 2018, 2017-2018, habituellement au mois de janvier, on a une chance qu'on ait une série de les matchs éliminatoires de la NFL parce que c'est plate, on revient de Noël, on revient du jour de l'an, puis il y a beaucoup de... Tu sais, on a comme un don, heureusement que les séries dans la NFL nous aident à passer le mois de janvier, puis il fait froid et ainsi de suite. Mais le mois de janvier, les matchs éliminatoires dans la NFL l'année passée, ça n'a pas été extraordinaire, à part le match Nouvelle-Orléans-Minnesota. Le reste, ça a laissé sur notre fin, hein? Oui, parce qu'on a vu on a vu des surprises comme Jacksonville qui a fait des séries. Je veux dire, même une équipe comme Tennessee, les Bills aussi qui avaient gagné. Ils avaient gagné leur match, puis ils souhaitaient une défaite d'un autre. Fait que oui, ça a été des séries un peu sombres, comme on dit. Mais comme tu dis, une chance qu'il y ait un peu de football à la télé. C'est un peu plus facile à prédire, mais on a quand même eu les Jaguars ont failli d'éliminer les Patriots puis en finale de conférence. Puis on a eu quand même un excellent spectacle au Super Bowl là, entre les Eagles et les Pats. Oui, mais Nick Foles, rappelle-toi de Nick Foles. Hein. Personne pensait, tous les gens pensaient que Nick Foles allait craquer. Il a fait le travail. Parce que rappelle-toi, Carson Wentz se blesse, on disait c'est la fin des Eagles, mais l'importance d'avoir un bon carrière substitut numéro 2, on l'a vu. Là. Il y en a pas même des équipes qui peuvent se dire, mais les Eagles, heureusement qu'ils avaient ça. Nick Foles, c'est le carrière. Pas assez bon pour être premier, mais trop bon pour être deuxième. Entre les deux. Puis on est en train de le revivre aussi en ce moment, en 2018. Là. Donc, ça a été la grosse surprise. Tout le monde avait mis les Eagles perdants là, au départ, là, quand Wentz est tombé au combat. Et, ben, tu sais, Nick Foles, mais je dois donner, qu'est-ce qui est arrivé à ce match-là? Là? Je pense que Doug Peterson, puis j'aime parler du coaching plus que les X et les O, là, pour moi, là, parce que ça a été un match où ils se sont dit, hey, on affronte les Patriots, ils gagnent tout le temps les Super Bowls, sont encore là, Bill Belichick va sortir de quoi? Moi, je trouve que Doug Peterson et l'équipe de personnel là, avaient vraiment bien préparé cette équipe-là à ce match-là, parce que ça a toute partie, t'en souviens, le jeu truqué, le Philly Special, là, d'où ce que Foles a capté pour une passe de toucher. Donc, ils ont tout fait, là, des attrapés spectaculaires, des jeux truqués. Nick Foles, qui est un corps arrière négligé, qui est soudainement possédé comme Joe Montana au niveau de ça, fait qu'ils ont vraiment là, ils ont démontré que c'était une équipe qui a jamais été affectée par tout ce qui s'est passé, puis ils sont allés gagner un gros match, puis j'ai adoré le Super Bowl là, 41-33, ça a été, puis les Patriots ont failli de revenir en plus, fait que ça a été un match historique, et malheureusement au niveau des Pats, ben ça n'avait pas bien été. En plus, à la fin, il y avait benché Malcolm Butler, qu'on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des Pats. En tout cas, ça a été un beau Super Bowl, puis chapeau à Doug Peterson et les Eagles au niveau de ce match-là, mais les séries en 2017-2018 a été... au moins, on a bien fini. J'ai pas aimé mon Super Bowl, mais c'est parce que je suis parti dans les Pats. C'est ça. Ouais. Nous, on l'a. Il y a bien du monde derrière. Ah, ouais. Respect. Ben, les Pats, c'est comme les Yankees, c'est comme les Canadiens. T'es aimes ou t'es aimes pas. Oui. Hein, c'est ça. C'est ça. Pour faire la revue de l'année, ils ont commencé avec une défaite au Super Bowl, mais pour l'année 2018, pour les Pats aussi, ça va être très intéressant, parce que ben à chaque fois qu'on dit qu'ils sont sur un déclin, ils reviennent, mais je pense que ça a été une année difficile pour Belichick, Brady et les Pats au niveau de la saison 2018-2019. Je suis pas encore très très convaincant, par contre. Non. Moi, je l'ai dit... Je l'ai dit, donc les Pats qui vont avoir... écoute, je pense pas qu'ils sont au Super Bowl cette année, malheureusement. Non. Du côté, c'était le repêchage également de la Ligue nationale de football en 2018. Et c'était une année de quart arrière. Et Baker Mayfield a été le premier choix. Et Baker Mayfield est pas juste lui, là, mais est en train de mettre les Browns de Cleveland sur respectabilité. C'est peut-être le meilleur cadre qui a passé à Cleveland depuis Bernie Kosar. Tout à fait. Ça a été une surprise, parce que on pensait de voir peut-être un Sam Darnold, les autres Carl, Rosen, tout ça pour numéro un. Puis jusqu'à la fin, les Browns sont arrivés en repêchant Baker Mayfield un gagnant du Heisman Trophy. En tout cas, moi j'ai adoré cette saison par rapport aux Cleveland Browns, parce que ils ont repêché Mayfield. C'est eux autres, c'était l'équipe qui présentait Hard Knocks, là, tu sais, la série télévisée. Ouais. Puis on les voyait pratiquer, préparer le camp d'entraînement, et déjà tout le monde, on savait que Hugh Jackson, le coach en chef, puis Todd Haley, là, que ça, tu sentais qu'il y avait, ça allait pas bien au niveau du coaching avec les Browns. Puis on se demandait comment est-ce qu'un autre corps arrière, est-ce qu'un autre joueur des Browns vont passer, ils seront pas bien coachés, puis ils seront pas des bons joueurs. Heureusement pour les Browns, ben ils ont congédié Hugh Jackson. Baker Mayfield est plus heureux. Toute l'équipe est plus heureuse, et on voit le talent de Baker à ce niveau-là. Il bouge avec la balle. Je pense qu'ils vont le développer pour qu'il soit encore meilleur dans la pochette, parce que comme que je mentionne des fois, les corps arrière qui sont trop qui courent trop avec le ballon, ben le risque de blessure est là. Donc je pense que là, Baker a quand même il va progresser, puis il va avoir un bel avenir avec Cleveland, et c'est la nouvelle phase des Browns, et moi je serais prêt à mettre un 5$ que les Browns pourrait faire les séries l'année prochaine. Oh, il y a plus des chances, puis c'est intéressant pareil. Aussi, puis on était proche, hein, Danny? Ouais. On était proche, tu sais, les nuls, la nulle qui devrait gagner, ou, tu sais, il y a eu un, deux bottés, là, il aurait pu être, mathématiquement, sont encore dans la course en 2018, mais il aurait pu être dans les séries dès cette année, là. Ouais, effectivement. Donc, aussi, ce que j'aimerais parler aussi, j'aimerais parler d'une transaction majeure qui est survenue cette année. Alex Smith, on savait qu'elle allait partir, Mais Alex Smith, c'est un bon carrière. C'est pas un grand carrière, mais c'est un bon carrière. C'est un carrière que, quand t'as pas de carrière, là, il fait un job. Tu comprends ce que je veux dire, là? Et, oui, ben c'est un, ouais, ouais. C'est un carrière qui fait pas d'erreurs, qui ouais. en fait pas trop. Donc, il est pas spectaculaire pour en parler, mais il fait, c'est un cadre très respecté. Il fait la job. Ça a été un choix de première ronde, premier choix. Premier choix overall. Ouais, avec les 49ers. Ouais, effectivement. Donc, oui, c'est, il est un excellent cadre. Les Chiefs ont fait quand même, ben, tu sais, il y avait Patrick Mahomes, là. Ben, c'est ça, c'est là que je m'en viens, là. C'est là que je m'en viens. Ben, là, les gens, je me rappelle Laurent Duvalet-Tardif, au début, il mettait des doutes là-dessus. Il y a même, puis là, finalement, ben, il arrive, puis écoute, des grosses chances que le joueur par excellence de la NFL, et c'est quelle saison, il est incroyable. Et moi, de mémoire, à Kansas City, là, ils n'ont jamais eu de carrière qui est capable de jouer comme Mahomes le fait. Non. Tu as eu Steve Deberg, il y en a eu plein. Là. Puis, ils ont même eu Montana, mais. Trent Green n'était pas mauvais. Ouais. Sauf que, tu sais, mais Mahomes, carrière explosif. Écoute, j'écoutais Pierre Cheval qui disait que c'était un mélange de Joe Montana, Brett Favre et Aaron Rodgers. Hey! Donc, ça veut tout dire, là. Et moi, je pense pas que les Chiefs vont se rendre au Super Bowl cette année, pas parce que. Parce que moi, j'ai pas confiance en le coach qui est là, Andy Reid. Mais quelle transaction, mais quel choix judicieux des. Hein? C'est incroyable. Ben, tu sais, on a parlé pendant l'année dans les anciennes entrevues, là. Puis, tu sais, on disait, là, les Chiefs avaient un plan, là. Mais je pense que c'est pour ça que Laurent Duvernay-Tardif avait peut-être des doutes. Parce qu'à chaque fois qu'une équipe a des plans sur un corps arrière, ben, ça n'a jamais fonctionné. Puis, on doit donner le chapeau à Andy Reid, là. On le critique souvent pour la façon de gérer les matchs. Mais il a toujours été très fort avec les corps arrière. Donc, chapeau Andy Reid puis à toute l'organisation de dire écoute, on est rendu là, on va aller échanger Alex Smith. C'est malheureux pour Alex Smith parce qu'il s'est blessé avec les Redskins là, cette année. Mais il connaissait quand même une bonne campagne. Mais pour revenir à Patrick Mahomes, puis ça aussi, c'est un message que je donne souvent à des entraîneurs. Puis à des parents, puis à des jeunes enfants là. Patrick Mahomes là, c'est un joueur de baseball aussi. Ouais. Donc il est très athlétique. Il arrive d'une famille, son père qui jouait pour les Twins. Mets. Les Twins, excuse-moi. Il a même porté les couleurs des Expos. Mais ça, un cas d'entraînement, il n'avait pas fait l'équipe. OK, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'un athlète, tu sais, un joueur athlétique là comme ça là, ben il va toujours réussir, puis chapeau à Andy Reid qui le forme très bien. Tu vois que il y a un excellent bras puissant, donc ça devrait venir de son baseball éventuellement. Mais on voit que ben on sent un peu l'inexpérience aussi, il aime improviser. La beauté de l'improvisation comme corps arrière, quand il lance avec les yeux fermés ou il lance n'importe où, ben la défensive, elle doute souvent. Donc, lui, il a compris comme corps arrière, je dois faire douter les défensives. Et là, avec tous les talents, les qualités athlétiques qu'il a, ben il réussit très bien. Ça va être un bel avenir. J'espère que les Chiefs vont bien l'entourer, vont continuer à bien l'entourer. Et comme tu as mentionné, je pense pas là, le Super Bowl cette année à cause d'Andy Reid, mais ça, on va voir. Mais quelle excellente transaction là pour les Chiefs là, ils ont vraiment gagné à ce niveau-là et c'est pour ça que tout le monde prend des notes. Tu sais, quand on repêche un quart arrière, c'est quoi le plan? Ben bravo, comparé au plan des Raiders là, les Chiefs. Parlons-en des Raiders parce que justement John Gruden en début d'année les Raiders d'Oakland ont sorti John Gruden à la télévision. C'est une nouvelle que je suis en train d'oublier, mais tu m'en parles là. Contre oui. 100 millions pour 10 ans, et tu regardes, là, c'est une, dans ma tête, à moi, c'est une grande déception. Il y a des gens qui disent, oui, mais il y a un plan, mais écoute bien, là, les Raiders étaient pas loin là, de faire des séries, là, faire des éliminatoires lorsque Gruden est arrivé. Il y avait quand même Derek Carr, ouais. il y avait 2-3 ans, Reggie McKenzie avait mis sur pied une très, très bonne équipe, là, et là, ouais. Il échange Khalil Mack. Il échange Jared Cook. Après ça, Derek Carr, tout indique qu'il y a des chances qu'il ne soit pas là l'an prochain. John Gruden, je m'excuse, là. C'est pas un succès à date. Là. Puis on est pris 9 ans avec lui. tant qu'à faire une revue de l'année, je pense que c'est la déception, la grande déception de 2018. Et je crois que les fans. Et puis les fans des Raiders, je pense, s'ennuient de Jack Del Rio. Tu sais, des fois, on dit faut congédier, c'est plus facile de congédier un coach que les joueurs. Mais Jack Del Rio avait quand même bien réussi à former, à rendre meilleurs ces joueurs-là. La grosse, ça, est-ce qu'on doit blâmer aussi Gruden là-dessus? Je pense que oui, parce qu'ils ont quand même congédié Reggie McKenzie là, cette année. De football, là. Mais il aurait dû garder Khalil Mack. Puis c'est à partir de là le problème, parce que là tu vois Mack, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, on met tellement d'argent sur des joueurs offensifs tout ça, mais Mack est vraiment la preuve de dire que ça c'est le joueur de franchise, puis il aurait dû mettre tout l'argent et l'énergie sur lui. Et là, tout ça a déboulé. Et on va voir, là, comme tu as dit, ils ont un plan aussi, mais là, ils vont quand même avoir. Parce que là, le gros défi, c'est qu'on ne sait pas qui va être DG. C'est-tu Gruden qui va choisir les prochains joueurs au repêchage, parce qu'ils vont quand même avoir beaucoup de choix de repêchage au prochain là. Donc je suis d'accord avec toi, les Raiders, c'est vraiment poche hein, pour les partisans là. Ils vont quitter Oakland, l'équipe va pas bien. Mais ces gens-là encouragent les Raiders d'Oakland pareil. Moi c'est un coup de chapeau pour moi là. aussi, on revient également à ce qui s'est passé en 2018 également. De la grosse déception également des Jaguars de Jacksonville. Ça va nulle part, les Jaguars, là. Non. Puis, c'est Blake Bortles le problème là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, oui, il y a eu une bonne saison, mais l'année passée, c'est la défensive qui a gardé Bortles en vie. Puis je peux pas croire. Puis qu'est-ce que je trouve dommage de cette équipe-là, c'est Tom Coughlin, qui est quand même au niveau des hauts dirigeants. Je peux pas croire qu'il pensait que Blake pourrait être le corps. Puis sont allés y donner plein d'argent. En plus, en fin de saison. Donc, grosse déception. Cette année, il n'y a rien qui se passe. Je suis pas un grand fan de leur coach non plus, là, Mularkey. Mais la façon que j'ai pu comprendre, c'est que là, ils vont finalement se débarrasser de Bortles. Et ça peut être une destination pour Joe Flacco, là, qui, justement, dans la revue, on peut dire que ça aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, les Ravens s'enlignent pour Lamar Jackson. Donc, Flacco risque d'être disponible. Mais après les Raiders, au niveau les Jaguars, c'est une déception en 2018. Mon chum Alexandre Gauthier, qui a été longtemps chroniqueur de la NFL à DonaldSport.com, qui est un fervent partisan des Jaguars, je te dis, cette année, il la trouve pas drôle. Puis moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que c'est qu'il crache sur la NFL, puis il y a deux carrières, Bo Levi Mitchell et Mike Riley, qui se sont entraînés avec les Jaguars. Lui crache sur la Ligue canadienne, donc je trouve ça drôle. Tony, ça fait pas mal le tour. Il y a des gens qui sont décédés en 2018 que je voulais parler. Il y a Paul Allen qui est l'ancien propriétaire des Seattle Seahawks, un des dirigeants de Microsoft également, qui lui est décédé, très respecté dans la hiérarchie des propriétaires de la NFL. Oui, il a décédé, puis il est décédé quand même jeune, hein, à 65 ans. Oui, 65 ans. Je me souviens pas qu'est-ce qui est arrivé. Il était aussi OK. Il était aussi le propriétaire des Portland Blazers. Puis il y avait des parts pour l'équipe de soccer de Seattle. Oui, donc c'est un grand qui nous a quittés au niveau des bâtisseurs, puis il était très impliqué avec les Seahawks, puis il a ramené aussi, là, grâce à lui, là, c'est sûr que ça prend de l'argent, puis tout ça, grâce à lui, ils ont mis les Seahawks là, sur la map, parce que pendant des années, ça allait quand même plus ou moins bien. Paul Allen, je dirais même, on peut faire le lien aussi avec Bob McNair, qui est décédé aussi avec les Texans, puis ouais. Alex Panos avec les Chargers. C'est vraiment des grands noms qui sont très respectés dans la Ligue nationale, qui ont essayé de faire avancer le sport. Et oui, on, Panos, c'est un c'est... grand départ là, par rapport à... Panos, c'est pas lui qui a pris la décision de déménager les Chargers À Los Angeles, ouais. Oui, c'est lui? OK. Okay, oui, avec sa famille, oui. Oui, OK, je pensais pas que c'était lui, effectivement. Donc, écoute, c'est un change, on vit tout. Ben, ça a été orchestré par son fils, là. Oui, OK. Mais, tu sais, c'est quand même un héritage, là. Oui, ouais, c'est comme les familles Rooney à Pittsburgh. C'est, la même, c'est le même exactement. Principe. Exactement. Donc, là, c'est son fils, Dean Spanos, qui a vraiment hérité vraiment le consortium de l'équipe. Là. Tony, si tu permets, on va faire une pause. Je vais te demander qu'est-ce que tu vois au Super Bowl actuellement, la veille des débuts des matchs éliminatoires. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année dans la Ligue nationale de football avec Tony Cuso. Le personnel et la direction de la société Sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-80. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien 88-679-41-94. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire des Jardins et Plaines de Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. On est de retour avec Tony Guzzo, le site internet Le Blitz NFL. Tony, si on y allait maintenant avec les matchs éliminatoires, au moment où on enregistre le podcast, on est à la veille de Noël, donc il reste deux semaines. Mais de ce que tu vois actuellement, qui tu vois au Super Bowl? Je vais être honnête avec toi, c'est toute une année. Ouais, on peut dire c'est de la parité, hein? Ouais. Puis il y a pas. Puis malheureusement, il y a vraiment. La première demi, on pensait que les Chiefs dominaient toutes ces équipes-là. Mais là, je vois pas vraiment. Il y a vraiment pas une équipe qui domine à ce point-là. Donc tout peut être une surprise. Puis on va voir aussi comment que le portrait. C'est pour ça qu'il nous reste. Il va rester après notre. Ou ce qu'il y a l'enregistrement, il va rester une ou deux semaines. Là. Donc c'est pour ça que là, toutes les équipes se battent là, vraiment pour essayer d'avoir le plus haut rendement. Là. Mais je vais être honnête avec toi. Ben, dans l'américaine, c'est sûr que. Les Chiefs sont là, mais les Chargers ont démontré qu'ils sont capables de jouer autant à l'attaque qu'à la défensive. Anthony Lynn, là, vraiment, là, cette équipe-là est vraiment transformée. J'ai jamais vu Philip Rivers excité comme ça, puis uni avec son équipe. Donc, est-ce que c'est vraiment ce côté-là psychologique qui va faire avancer les Chargers? Je sais pas. On va se demander au moment qu'on s'enregistre, est-ce que les Colts, parce que c'est vraiment, en ce moment, je te dirais, l'équipe qui est la plus dangereuse en ce moment, c'est les Colts. Ouais. Mais au moment qu'on se parle, sont pas encore dans les séries. On a mentionné que les Patriots vraiment ont une saison en dents de scie, sont pas convaincants. Les Steelers ont pensé en déclin, ils sont allés chercher une grosse victoire, mais c'est-tu assez? Ils vont s'ennuyer de... Tu sais, James Conner, il est blessé. Est-ce qu'il va revenir à temps? On va le souhaiter. Moi, en ce moment, dans l'Américaine, ça va être entre les Chiefs et les Chargers. On va dire là, je vais parler de la NFC, puis après ça, tu vas pouvoir entendre ma finale. Dans la NFC, ben il faut donner les Saints. Les Saints vont tout faire pour avoir l'avantage du terrain jusqu'à la fin. Donc, s'ils réussissent, on risque d'avoir les Saints au Super Bowl. C'est un peu le même style que les Patriots. S'ils jouent pas à Foxborough, les Saints ont de la misère, mais pour 2018, là, les Saints sont excellents en défensive en plus, donc c'est une équipe un peu plus complète à ce niveau-là, balancée. Les Bears sont très surprenants. Ouais. Je pense que l'inexpérience va faire que peut-être ils se rendront pas jusqu'à la finale. Les Rams, ils ont été tellement dominants, puis là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est une petite fatigue avant de se replacer. On verra. Moi, je pense que, puis au niveau de, tu sais, il y a les Vikings. Les Vikings, je pense qu'ils vont le regretter d'avoir signé des gros montants à Kirk Cousins parce que il est pas capable de gagner dans des matchs importants. Il a une fiche de 4 et 24 en prime time, une affaire de même. Donc, tu sais, les séries, là, c'est du prime time. Est-ce qu'il va se rendre loin? Donc, dans la NFC, je vois les Saints puis un peu les Rams. Donc, moi, je pense que la finale du Super Bowl, ça va être entre les Chargers puis les Saints. Écoute, j'avais dit depuis le début de l'année, j'avais dit les Steelers contre les Steelers contre les Saints. J'ai dit depuis le début de l'année, j'ai collé ça sur que les Saints, pas de problème. Les Steelers, à quelque part, j'aime pas ce que je vois du tout. Fallait pas oublier les Texans de Houston aussi. Il faut pas oublier, mais je pense qu'ils vont avoir là en ce moment son numéro 2. Donc, ils ont quand même un bon parcours. Mais s'ils tombent, parce que les Colts pourraient gagner aussi la division, je pense, si j'ai bien vu. Là. Ouais. Mais Houston, va falloir qu'ils soient élevés pour aller loin. Parce que s'ils tombent 3, 4, 5, 6, là, le parcours risque d'être difficile. OK. Tony, il me reste que te remercier pour l'année 2018. On va se parler dès le début de 2019 avec les premiers matchs éliminatoires, les wildcards, dès la première fin de semaine. On va se reparler en direct. Donc, un gros merci. Joyeuses fêtes à toi et ta petite famille. Puis on se reparle dès le début, dès le premier vendredi de 2019. Ben, je te souhaite apparemment de joyeuses fêtes puis une bonne année de football à tous nos auditeurs. Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com.